Hein, Chico, ça fait longtemps que t'as vu ta défaite, hein? Ça fait longtemps que t'as vu, hein? It's it, c'est le temps. Here we go! Je sais que t'aimes le beef, là, je suis dans ton ballon. Comme un toqueur avant, tu bouffes des choses douteuses. Une mal au cœur comme une marouleuse. En fait, contre moi, tu gardes coûteuse. Regarde les verres aux creuses comme un prisonnier malheureuse. Masse du ciment, pas de la tarboueuse, mais pas te sauver. Fait qu'assume tes actes à plume. C'est des astres, j'allume, puis dépasse le combat. Get right, fuck que 15 dans ton cas. Tu peux te battre en homme, fuck que place tes comme cas. T'as pas mes comebacks, fuck j'ai 4 ta face mon gars. Tu portes une croix, gamin, des faces à ton bras. Même si t'essaies de te bloquer, tu vas mourir enseignant. Tu fais crotter un sac de balayeuse à pleine dents. C'est le cas de le dire, t'as fait mort de la poussière. T'as gardé l'eau sur la poule bien douce. Si je jette ton démon, il va être pleine mousse. Tellement faux carnivore, tu vas pas faire une bouchée de moi. Tu pars un ouïe avec les mois. Entre mes morins, t'as défaite. C'est pas parce que tu rappes dehors un jour de temps. Fait que t'es dans le vent, tes heures, puis t'es bon. Non, ben, t'as-tu poisson dans mon filet, tu t'en bais. Que j'suis tellement tuqué dans la marre du coucou, hein, à vous, hein. Depuis le début, t'attends la fin. Si tu t'excites trop, mais prends du ritalin. On te rivale, qu'est-ce t'arrêtes, mais j'suis le blocus en tech. Qu'est-ce pour être un gros plus pour l'univers. T'as faim, l'homme, t'as pas voulu t'y faire. Mais sans que t'es rien, un nez dans le monde du Gulliver. T'as dit qu'ils gagneront pas de pour les heures. Tu tourneras continuellement sans fin. Comme dans un manège, sans frein. Tu joues, les abrèges, enfin. J'aurais plus de M6 que toi rentrer et pas. Dans un sommet, tu penses la cerise au top. Tu te déguises en plat tellement t'es une grosse tapette. Tu te bois dur en crise, toi tu t'en pas. Pleurant comme une femme, ça y est à peu près. C'est club, tu me vises tes copes. Si tu me barres le chemin, je brise les portes du paradis. Quand j'ai exposé en pleine face, t'es une danse, t'as stagi. T'as un four, mais pas de parole. Fait que tu prends ta garde partagée avec mes paraboles de toi. Je suis contre mes débarrassés, continue tes 10 avec les jokes de pénis. Un conseil pour toi. Choc puis des cris, faut croire que t'en avais pas assez que l'autre périsse. Fais-tu bien pis j'ai une info sous le lion. Si le rap c'est un bateau, tu serais moussaillon. A ta famille je souhaite mes condoléances. Sinon ton dos t'élance, remets-toi sur deux pattes. Tu perds trop de chance contre moi. Quand j'écoute, tu passes mon seuil de tolérance. Tes rimes font pitié, le fait des 30 sous des autres. Me rendent fou quand les entends, j'crame souvent. Man, Chico, tes audios est fuck tight, man. Comme moi pis ta soeur.